Pas si bête, une chronique sur le monde sonore animal. Aujourd'hui, le jarvouti. C'est un oiseau de très grande taille, dont l'envergure dépasse légèrement celle de l'albatros sur l'heure, seul oiseau capable de le concurrencer. 3,80 m, ailes toutes déployées. Un bec crochu qui tire sur le violacé, une houppette composée de 5 plumes qu'il redresse en signe de courroux. Son corps, long et fin, gris perlé, sinueux comme un serpent, est agrémenté d'une grande queue de plumes souples aux reflets argentés. L'extraordinaire gabarit de cet animal n'en fait pas moins qu'il reste très difficile à observer, car il ne sort qu'entre chien et loup, quand les ombres se confondent avec celles de la nuit rampante. Solitaire, discret dans ses apparitions, il ne quitte le haut de la falaise de Roucracht, où il aime se terrer, que lorsque la faim le tenaille, étant capable de jeûner quelques jours d'affilée. Lorsqu'il part en chasse, il secoue ses ailes, pousse un cri long et modulé, et prend son envol jusqu'à ce qu'il repère un troupeau d'herbivores au-dessus duquel il va planer en cercle concentrique. Ombre sinueuse, insistante et menaçante, qui va créer un mouvement de panique chez les animaux, au point où l'un d'entre eux, peut-être un peu plus fragile qu'un autre, ivre de peur, tentera de quitter le troupeau pour rejoindre un abri couvert. Moment qu'attendait patiemment le jarvouti, qui se laissera alors tomber en piqué sur le mammifère, qu'il attrapera toute griffe dehors en poussant son célèbre cri de victoire, une succession de sons gutturaux dépassant les 130 décibels à un mètre, paralysant ainsi d'effroi sa proie, qui se laissera emporter sans la moindre résistance. La scène n'aura duré que quelques secondes, avec comme unique preuve du passage du jarvouti ce cri terrifiant, et, restée au sol, l'une de ses longues plumes argentées. La présence quasi fantomatique de cet oiseau a donné lieu à une vaste littérature. Certains le disent né d'un œuf d'albatros fécondé par un serpent, d'autres pensent que quiconque croit son regard meurt foudroyé, quand on ne le tient pas pour responsable des épidémies de gangrène qui déciment les herbivores de la région. On raconte même qu'il est capable de soulever un éléphant dans les airs et de le porter au sommet de sa falaise pour le dévorer par petits bouts. Les rumeurs, anecdotes et faits plus ou moins avérés ont ainsi circulé jusqu'au début du XXe siècle. Lorsqu'un jour, une délégation de savants chinois a débarqué à Roucracht, les Chinois, comme chacun le sait, étant experts en dragons, animaux qu'ils considèrent, contrairement à la plupart des Occidentaux, comme des créatures bienveillantes. En observant les plumes argentées laissées au sol par le jarvouti, ils en arrivèrent à la conclusion que c'était un kyu, comprenez, un dragon sans cornes, mais qui, comme tous les dragons, est symbole de vie et d'énergie. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui encore, les habitants de Roucracht entendent régulièrement le cri du jarvouti déchirer la nuit, faisant alors basculer la réalité vers le rêve, l'animal vers la chimère. Pas si bête, une chronique de Céline Duchesnay avec la complicité de la Sonothèque du Muséum National d'Imaginaire Naturel. Réalisation, Laurent Poilleret.